me présente. Un homme comme un autre sortant de GAV là où pour certains c'est comme un bête, juste un oubli de poplard et un star qui me font plaire. Et il m'annonce la trouvaille d'un bout de ch. Imaginaire lorsque ses potes me palpèrent. Ses enculés s'en foutent que sur le balcon. Ma robe en pleure, moi tout ça je le déplore. 7h30 je suis dans le bus, je m'endors jusqu'au terminus. En permanent je suis poisseux, j'arrive chez moi mon permanence que tout est fini. Mes parents unis je verrai plus, malgré ça je garde le moral. Et c'est pas pour ça que je verrai plus. Mon frère il est 20h, l'hiver c'est glauque. On se croirait dans Jacques l'éventreur. Vas-y prends des notes, je suis d'une jeunesse effrénée qui pense qu'à traîner dans des rues crades. Engrainé à la passe dans l'underground. Charme ma bombe et pose quelques fats. Les patrouilles se cachent, surtout quand ça c'est chaud, fait que les mecs se jouent. Je maîtrise, je dis noir. C'est la malchance au quotidien. Juste un jeune. Dans les normes, une des victimes dans son dos d'eux. Un extraordinaire. Un jour on est les boucs émissaires. C'est la merde. J'ai la boîte, c'est le bouc émisère. Triste, je dis noir. C'est la malchance au quotidien. Juste un jeune. Dans les normes, une des victimes dans son dos d'eux. Un extraordinaire. Un jour on est les boucs émissaires. C'est la merde. J'ai la boîte, c'est le bouc émissaire. Cette meuf me lâche pas du coup. Je rate un rendez-vous, c'est le grand dégoût. Je dois du genre armisère si je prends des coups. Vas-y, tant pis, je le fais ski. Au fond, qu'est-ce que je dois risquer? Une poule. T'es un prolique, aucune plaidoirie se crée. J'pars en couille, j'm'en bats la race, on m'a poussé à bout. C'est ça de rester ici, dans un climat nauséabond. Plus d'une fois j'ai pensé à Dieu, prière sans réponse, la fille m'a noyé comme Poséidon. PS, suscite au final une TS, ne plus frémir, le présent seul comme mon fémur effrayé. Sachant qu'ici-bas tout est éphémère. J'retrouve mon lit pour un repos mérité, vu que la haine mérite, faut que j'évacue. Aujourd'hui y'en a plein le cul, c'est pas mon jour 9h, déjà Lucie à la porte. J'préfère qu'il met à la bonne ou j'le plaque comme Bernard Laporte. Dans ma douche y'a pas d'eau chaude. J'suis déjà saoulé, faudrait qu'il me parle d'autre chose. On est triste, je dis noir. C'est la malchance au quotidien. Juste un jeune. Dans les normes, une des victimes dans son dos dur. Rien d'extraordinaire. Un jour on est les boucs émissaires. C'est la merde. J'ai la boîte, c'est le bouc émisère. Triste, je dis noir. C'est la malchance au quotidien. Juste un jeune. Dans les normes, une des victimes dans son dos dur. Rien d'extraordinaire. Un jour on est les boucs émissaires. C'est la merde. J'ai la boîte, c'est le bouc émisère. J'roule un dernier camas avant de me casser. J'vois les bleus par la même occasion. Juste un geste déplacé. Tu trouves 11D. Ce soir j'oublie le trip des foot en ça. L'atmosphère est sous tension, donc j'oublie en me foutant ça. Pour mon or comme le chat Félix, mon frère me croise, me criant chez l'alphix. J'voulais baiser la vie, putain qui est-ce qui est cocu. Familia, j'lâche le cocon, foncez au whisky coca. C'est comme un Chicago, Belek à tes Chicoga. 23h, j'suis trop seul, j'continue ma sérénade. Mais j'serai mieux chez moi au lieu de rien faire comme un scélérat. Aujourd'hui pour moi c'est pas ça, pas de charge. La garde à vue devient pensable, nique sa mère, moi j'sors du poste au passage. Eh ouais, j'suis au stupo, ces fils de pute me déshabillent. J'ai plein de sauce, mais si j'me suis rarement fait des amis, des hommes. Mais on prend les mêmes et on recommence, moi j'en rigole. Hélas les condés, ils sont plutôt du genre rigueur. On est triste, je dis noir, c'est la malchance au quotidien. Juste un chien, dans les normes, une des victimes dans son dos dur. Rien d'extraordinaire, un jour on est les boucs émissaires. C'est la merde, la boîte, c'est le bouc émisère. Triste, je dis noir, c'est la malchance au quotidien. Juste un jeune, dans les normes, une des victimes dans son dos dur. Rien d'extraordinaire, un jour on est les boucs émissaires. C'est la merde, la boîte, c'est le bouc émisère. Ouais ouais, je dis noir. Ouais ouais. Aussi ça t'arrive, un jour où y'a la poisse comme ça mec. Ouais ouais, ouais ouais, fédération.